Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous sommes en compagnie d'Alain Asselin. Donc, comme François vient de le dire, Alain Asselin est professeur à la retraite au département de phytologie de la faculté des sciences et de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Et aujourd'hui, il va nous faire découvrir le tabac, une plante qui a joué un rôle méconnu dans l'histoire du Canada. Bonjour Alain. Bonsoir Valérie. Alors je propose Alain qu'on commence par un peu de botanique. En fait, on parle du tabac, mais en termes de plantes, qu'est-ce que c'est le tabac? Et oui, puis, est-ce qu'elle poussait naturellement au Québec, d'ailleurs? Voilà, question très pertinente. Commençons par le commencement. Un peu de botanique, n'est-ce pas? Le tabac, en fait, il faut parler de deux espèces de tabac par rapport à notre histoire. Parlons d'abord du tabac commun. Le tabac commun est celui qui est responsable de tous les méfaits du tabagisme. Mm-hmm. Et il porte le nom Nicotiana tabacum. Alors, Nicotiana vient de Jean Nico, qui était ambassadeur français, qui a été l'une des principales personnes à promouvoir et à faire connaître le tabac en France. Mm-hmm. Tabacum, tabac. Alors, ça, c'est une espèce qui ne vit pas ici de façon indigène, mm-hmm. de façon sauvage, mm-hmm. tout comme l'autre espèce d'ailleurs. L'autre espèce, c'est le tabac des paysans, mm-hmm. de son petit nom scientifique, Nicotiana rustica, ouais. c'est-à-dire un tabac rustique. Rustique à deux points de vue. Rustique parce qu'il est beaucoup plus âcre, il contient beaucoup plus de nicotine que le tabac commun. Et il est aussi plus rustique parce qu'il peut vivre beaucoup plus au nord. Ah, okay. Alors, ces deux espèces de Nicotiana, sont originaires d'Amérique du Sud, mm-hmm. et à l'arrivée des premiers découvreurs européens, ces deux tabacs se retrouvaient dans des portions tout à fait différentes dans les Amériques. La seule espèce de tabac présente ici dans la vallée du Saint-Laurent était le tabac des paysans, mm-hmm. le rustique. Mm-hmm. Alors que l'autre tabac, le tabac commun, le tabac qui deviendra le plus important, était présent dans les Caraïbes, en Amérique D'accord. du Sud. Mm-hmm. Et donc le tabac rustique qui était donc ici, est-ce qu'il était... Il est originaire d'ici ou est-ce qu'il a migré jusqu'ici? Ou... Voilà, bonne remarque. Il a migré avec les nations amérindiennes D'accord. parce que les Amérindiens... On prétend que le tabac rustique aurait été domestiqué au Mexique. Il est originaire d'Amérique du Sud, mais il aurait été domestiqué, mm-hmm. cultivé de façon très contrôlée au Mexique et des nations amérindiennes mm-hmm. à partir du Mexique ou des régions avoisinantes. Il est remonté avec les nations amérindiennes, avec diverses nations amérindiennes, qu'il utilisait à des fins rituelles, à des fins médicinales. Mm-hmm. D'accord. Et pourquoi tabac des paysans? Parce que il a été adopté aussi plus tard par plusieurs colons. Mm-hmm. Plusieurs paysans, et le petit nom officiel scientifique est devenu tabac des paysans. Mais il a eu aussi toute une gamme d'autres mm-hmm. noms vernaculaires. Mm-hmm. Il est appelé le petit tabac, le tabac rustique, le tabac des Aztèques, le tabac des Indiens. Oui. Alors, mais le tabac des paysans, c'est le nom scientifique officiel français. Mm-hmm. D'accord. Donc, les premiers colons qui arrivent dans la vallée du Saint-Laurent constatent la présence de ce tabac des paysans. Qui sont ces premiers colons qui le constatent? La première mention écrite est celle de Jacques Cartier en 1535 à Hochelaga, à Montréal, mm-hmm. où Jacques Cartier s'émerveille de voir le tabac fumé à l'aide de pipes. Et évidemment, il en fait l'expérience et il met le tabac à l'épreuve jusqu'à un certain point parce qu'il en fait une petite description. Il dit du tabac qu'il est chaud comme du poivre. Il a une sensation de chaleur, mm-hmm. comme s'il mangeait du poivre, comme s'il avait consommé du poivre. Alors, Cartier, on peut être fier de ça au point de vue de notre histoire, Cartier est donc le premier responsable d'un écrit sur mm-hmm. l'usage du tabac fumé avec une pipe. Il spécifie que les hommes font usage du tabac avec une pipe en pierre ou en bois. En pierre. En pierre ou en bois. Et les archéologues, depuis des décennies et des décennies, retrouvent des pipes amérindiennes en céramique le long de la vallée du Saint-Laurent qui datent même d'avant, qui datent de l'époque de Cartier d'une part et qui datent bien avant Cartier. Il y a plusieurs sites au Québec. Prenons le site Drouleuse dans la région à l'ouest de Montréal où on retrouve nombre de pipes amérindiennes de l'époque. La preuve est ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que les hommes étaient ceux qui fumaient et les hommes étaient responsables de fabriquer les pipes. Tandis que les femmes faisaient tout le reste de l'agriculture, les femmes faisaient l'essentiel, faisaient 95% du travail agricole et alimentaire. Les hommes ne s'occupaient que de cette plante magique, entre guillemets, sacrée, rituelle, symbolique, qui avait une valeur tout à fait spéciale. Donc là, les femmes étaient généralement en charge de l'agriculture, sauf du tabac, qui Exactement. Était l'apanage des hommes. D'accord. Exactement. Et donc là, vous disiez, Alain, donc il y en a une utilisation rituelle, mais aussi médicinale. On s'en servait pour quoi? Pour toutes sortes de choses, dont et les Européens ont vite décelé les possibilités médicinales du tabac et c'est d'ailleurs ce qui explique la dissémination incroyable en Europe et ailleurs. Les Amérindiens utilisaient à des fins rituelles d'abord, mais aussi à des fins médicinales parce que, entre autres, les Européens ont remarqué que ça pouvait soutenir la faim, éliminer complètement, mais contrôler l'état de fatigue. Tout de suite, ils s'apercevaient que les Amérindiens pouvaient utiliser cette plante à des fins qu'eux interprétaient comme bénéfiques, médicinales. Mais ça, c'est... Donc, peut-être qu'ils se sentaient mieux, plus promptes à travailler, à tenir le coup plus longtemps. Voilà. Mais est-ce que ça guérissait des maladies? Oui, particulièrement les guérisons des blessures, par exemple. Les Amérindiens, aussi les Européens, ont vite reproduit ces pratiques. On utilisait les feuilles de tabac sur des blessures. La cicatrisation était hâtée. D'accord. Et on guérissait toutes sortes de problèmes de peau. On éliminait les poux dans les chevelures parce que la nicotine est un insecticide incroyable et le tabac contient des quantités phénoménales de nicotine. Donc, le tabac rituel avait aussi des avantages très précis. D'accord. Donc là, finalement, les Européens découvrent cette plante et commencent à l'utiliser. Est-ce qu'ils commencent également à le cultiver, du coup, ou est-ce qu'ils le demandent aux Amérindiens? Oui. Parce que non seulement on découvre cette plante qui a plusieurs qualités, elle est, même si elle est associée à des gens qui ne sont pas, évidemment, les Européens ne jugent pas nécessairement les Amérindiens à la hauteur sociale, mais la plante est exotique, elle a des capacités et des propriétés médicinales, et surtout, certains ont compris qu'elle avait une autre magie, une autre propriété spéciale. Elle pouvait générer beaucoup de sous. Parce que si c'est une plante médicinale exotique et efficace et qu'on peut en cultiver et en faire le commerce sur une grande échelle, on peut faire des sous. Et il y a des gens qui ont compris que si on faisait le commerce sur une grande échelle, on pouvait lever des impôts ou des taxes de toutes sortes et faire encore des sous. Donc, comme on sait que de temps à autre, l'argent mène le monde, et même dans l'histoire, alors les gens ont vu cette possibilité et le tabac s'est développé sous forme de culture beaucoup dans les îles des Caraïbes, au Brésil, aux États-Unis. La Virginie, naissante au début des années 1600, la première plantation commerciale est de tabac. Ah oui, déjà. Et on fait tellement d'argent avec le tabac en quelques années, on l'exporte parce que les Anglais sont devenus amateurs du tabac qui sert à la médecine et qui devient, en plus de ses propriétés médicinales, évidemment, qui devient un objet de récréatif, oui. un objet à valeur sociale aussi. Donc là, les Anglais le cultivent pour le commercer en Angleterre ou également avec les Amérindiens? Ils le vendent à qui? Au début, c'est un peu cocasse. En Virginie, par exemple, le tabac qui était présent et qui, pour les Amérindiens, était le tabac des paysans, Nicotiana rustica. Ouais. Mais comme il est très âcre, très riche en nicotine, dans certains cas, 8, 9, 10 fois plus de nicotine que le tabac commun, il est plus difficile à s'habituer à son usage. Or, un des premiers colons en Virginie, John Rolfe, pour ne pas le nommer, lui avait des connexions avec des marins espagnols qui lui ont apporté des semences de tabac que les Espagnols utilisaient dans les Caraïbes. Mm-hmm. Et il a utilisé le tabac commun pour remplacer le tabac des paysans. Et ça a été un succès incroyable parce que ce tabac était plus doux, moins âcre. Mm-hmm. En plus, il fournissait des quantités incroyable de biomasse, de quantité de feuilles, parce que le tabac commun est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, forme beaucoup plus de feuillage et donc a tous les avantages. Quand on vend des feuilles de tabac séchées, plus les feuilles sont grosses, pesantes, plus on fait des sous. Mmh. Et lui a tout vu ça. Et le climat de la Virginie, qui correspondait à la Caroline du Nord, était parfait pour ce genre de tabac. Et ça a été une réussite commerciale incroyable qui a diffusé par la suite. C'est ça, je me demandais, ça a fini par arriver au Québec, ce tabac commun. Ça a fini par arriver au Québec. Si autant de la Nouvelle-France, autant de Louis-Nicolas, qui était un missionnaire jésuite, qui a séjourné ici entre 1664 et 1675, Louis-Nicolas décrit clairement qu'en Nouvelle-France, il se cultive deux tabacs. D'accord. Le tabac qu'il appelle franc à ce moment-là, le tabac franc qui est le tabac commun, commercial, le gros tabac à grosses feuilles, très, très productive, et le tabac qu'il appelle commun, cette fois-ci, des Amérindiens, il dit leur tabac parce qu'il sait que c'est leur tabac préféré pour les rites. Les Amérindiens sont habitués à ce tabac à nicotine, à concentration de nicotine très élevée. Alors, il se cultive ici en Nouvelle-France et il spécifie où se cultive le tabac des Espagnols, le tabac plus commercial. Il se cultive du tabac à l'île Jésus, qu'il nomme l'île de Jésus, et dans la région du Mont-Royal. C'était des endroits qui semblaient privilégiés pour la culture de ce fameux tabac commercial. Et le tabac était extrêmement important en Nouvelle-France, comme en Nouvelle-Angleterre ou ailleurs aux États-Unis. C'était un objet de troc très important. De troc. Donc là, on troque quoi contre quoi? On troque. Les Français veulent des fourrures. Et si on veut des fourrures, on donne aux Amérindiens, on offre aux Amérindiens en échange toutes sortes de choses, et en haut de la liste, du tabac. Et même le tabac qui n'est pas le leur. Ben oui, c'est ça, je me demandais. Ils sont tombés en amour, comme tout le monde, avec le tabac qui contient moins de nicotine, qui est plus doux, qui est plus léger et qui, avec lequel on s'habitue encore plus, plus facilement et doucement. Donc, c'est devenu une monnaie d'échange, finalement? C'est devenu une monnaie d'échange majeure. Majeure. Écoutez, la preuve, dans quelques semaines, on va fêter le 400e anniversaire de l'arrivée de Louis Hébert et Marie Rollet, les premiers agriculteurs. Lors du premier contrat de l'agriculteur, du premier agriculteur et de son épouse, il est spécifié dans le contrat de 1617 à Québec qu'après 2 ans, ils pourront et c'est spécifié nommément cultiver du tabac, du maïs et autres jardinages. Mm-hmm. Le premier élément nommé... Le tabac. Tabac. Ouais. Alors, quand on parle du premier agriculteur, oui, mais premier agriculteur commercial aussi, parce que c'était le commerce du tabac était vital pour les compagnies d'échange. Mm-hmm. Et ensuite, le tabac, qui l'a emporté, l'a emmené en Europe? Vous avez dit, bon, les Espagnols l'ont emmené, les Français en ont emmené aussi en France? Il est arrivé... Déjà au milieu du 16e siècle, le tabac est en France, en Angleterre, en Italie, dans les Pays-Bas, en Allemagne. En 1600, il est déjà là. Oui, en 1600, il est au Japon et ailleurs. Ça se diffuse comme une traînée de poudre. Parce que le tabac a plusieurs qualités. Il est vanté par les médecins les plus savants de l'époque. Et un de ceux qui a été le plus influent a été Nicolas Monardès, un Espagnol, qui était une autorité médicale de l'époque en Europe. Et lui a décrit 36 maladies guéries par le tabac. Pas 35. Ouais. 36. Alors, imaginez l'impact. Et il publie ça, il y a des livres, des dizaines de livres, et voilà la nouvelle panacée. C'est quand même fou. Voilà, vous avez un problème, que ce soit un problème avec les poux ou le cancer, le tabac va vous guérir. Alors, imaginez la diffusion, tout le monde veut en avoir. Ouais, ouais. Et comme ça se cultive relativement bien, on en cultive et un comme peu on partout. Devient, comme on devient dépendant. Et comme on devient dépendant, comme par hasard, c'est la multiplication des pains. Ouais. On ne peut pas demander mieux. Ouais. Mais maintenant, ça a quand même changé. Bon, on s'est aperçu que le tabac, finalement, c'était pas si bon que ça. Non. Mais on l'utilise quand même en recherche. Oui. Aussi bizarre que ça puisse paraître, évidemment, nous sommes tous contre le tabagisme et ses effets néfastes. Maintenant, la science décrit de façon très claire les difficultés, les aléas et les méfaits du tabac et du tabagisme. Ça va de soi. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le tabac, diverses espèces de nicotiana, dont surtout le tabac commun, Nicotiana tabacum, est l'une des plantes modèles les plus importantes encore au 21e siècle, aujourd'hui, pour diverses études scientifiques, biochimiques, phytopathologique. Par exemple, le premier virus isolé, le virus, on a donné un prix Nobel en 1935 à quelqu'un qui a isolé le virus de la mosaïque du tabac. C'est vrai. Alors, Stanley a été récompensé pour avoir isolé, purifié le premier virus, le virus de la mosaïque du tabac. Il y a une kyrielle de connaissances scientifiques liées à l'usage du tabac. Parce que le tabac est bien connu, se cultive bien, et comme il avait une valeur commerciale incroyable, on voulait connaître toutes ses maladies. Ouais. Ses sensibilités à des stress de diverses sortes. Le stress salin, le stress à la chaleur, le stress au froid. Ouais, parce que on le cultivait commercialement, on voulait tout savoir de lui pour l'appliquer en champ après. Voilà, on ne veut pas perdre trop de rendement parce que c'est tellement payant. Ouais, ouais. Alors, c'est devenu, et c'est encore, prenons un exemple d'aujourd'hui. Expérimentalement, on peut produire dans le tabac diverses molécules médicales. Mais en fait, il me semble que c'est la première plante transgénique, c'est du tabac. Oui, aussi, le tabac a servi... C'est sur du tabac qu'on a réussi à faire pour la première fois la transformation génétique sur les plantes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les plantes transgéniques, qu'on soit pour ou contre, il n'en reste pas moins que le tabac a été déterminant dans la capacité de faire des transformations génétiques. Et aujourd'hui, par exemple, prenons un exemple de substance médicinale d'importance, l'artémisine est le nom d'une substance qui vient de l'armoise artémisia, une plante médicinale qui est très utilisée contre la malaria, pour combattre la malaria, l'une des maladies les plus importantes à l'échelle planétaire. On peut produire artificiellement aujourd'hui dans des plants de tabac transgéniques de l'artémisine. Parce qu'on ne peut pas récolter de l'armoise pour en extraire des quantités. Il est plus valable techniquement et même au point de vue de l'environnement d'utiliser une plante transgénique qui permet de ne pas détruire les armoises, parce que si on récolte les armoises en quantité commerciale, on ne pourra pas en récolter suffisamment pour en produire suffisamment au point de vue commercial. Alors, le tabac, comme vous le mentionniez à juste titre, est l'une des plantes modèles et des plantes qui servent souvent de plateforme de découverte pour toutes sortes de... Développer des nouvelles technologies, comprendre la physiologie de cette plante et voir si ça se passe un peu pareil sur les autres plantes de la même famille. J'ai travaillé pendant 30 ans sur les protéines de stress des végétaux. Et ma plante préférée était le tabac. Ah oui. Je n'ai jamais fumé de ma vie, mais j'adore le tabac à cause de la facilité d'étudier certains phénomènes. Et son petit cousin, le tabac des paysans, il est devenu quoi? Ah! Il est devenu populaire. Il est encore utilisé. Et malheureusement pour lui, le rustica et le rustique étaient beaucoup plus distribués grandement géographiquement. Il était arrivé probablement aussi même avant le tabac commun, le tabacum. Et comme vous le dites, il a été remplacé par le tabac commun. Mais il est encore présent dans certaines régions du monde. Dans certaines régions du monde, très diversifiées. Il y a de la culture de ce tabac au nord du Maroc. Il y en a dans diverses régions. Il y en a même en Afrique. Mm-hmm. Il y a des gens qui se sont habitués à ce tabac, à sa quantité très importante de nicotine et qui l'utilise encore aujourd'hui avec des mélanges de substances alcalines qui décuplent encore. C'est vrai? En plus, il y a toutes sortes, il y a une préparation, ça s'appelle au Soudan le tombak. Cette préparation, c'est des feuilles de Nicotiana rustica, du tabac des paysans, le tabac rustique, avec des substances alcalines qui peuvent être soit des roches calcaires, qui peuvent être des coquillages même à base de substances calcaires, et à pH alcalin, en condition alcaline. La nicotine, non seulement étant en quantité très importante au point de départ, l'effet est décuplé à cause de ce pH. Alors, ces gens-là ont souvent des sensations hallucinogènes en utilisant le tabac des paysans sous certaines conditions. Alors, les deux tabacs ne sont pas encore morts. Non, j'ai l'impression que l'industrie n'est pas prête encore de faire mourir ces tabacs-là, malgré qu'elle ait fait mourir pas mal de personnes, d'ailleurs. Voilà. D'accord. Mais écoutez, Alain, c'était vraiment passionnant. Je n'aurais pas pensé que le tabac ait servi notamment de monnaie d'échange, qu'on s'en soit servi pour faire du troc. Je n'aurais pas pensé ça. Alors, merci beaucoup, Alain, pour cette histoire pas banale du tabac dans l'histoire du Canada. Bienvenue, Valérie. Donc, je rappelle que Alain Asselin est professeur à la retraite au département de phytologie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. On va faire maintenant une pause publicitaire sur CKRL au 89.1 et on vous revient avec une série d'actualités scientifiques.